Bonus. Trax. Nouvel épisode de la JDR Academy, nous continuons Alien, un jeu publié en français par Arkane Asylum Publishing. On va faire un petit tour de table, vous allez vous présenter rapidement vos personnages. José, salut José. Bonjour, je suis Axel Diff, descendant de René Diff du groupe Aqua. Je n'ai jamais écouté l'œuvre de mon ancêtre, juste les photos. Et ça suffit. Ça suffit. Je veux ce style, je veux exactement ça. Je suis pilote, j'ai la clé du vaisseau. Ah, ça a l'air bien parti. Ok. Sartman. Faut qu'on reste à côté de cette personne. Salut Sartman. Bonjour, je suis mécanicien. Mon nom c'est Decarglass et mon prénom c'est Olivier. Et je pense que je peux le dire maintenant. Ouais, ça a été découvert dans la partie. Ça a été découvert, même si j'essayais de le cacher. Je suis un androïde de la compagnie Wooland. Comment ça s'appelle ? Wayland Yutani. Et je suis pas mal blessé, mais. Oui, t'as pris un peu cher. Mais je suis toujours vivant et pas du tout stressé. On est aussi avec Sony. Moi, je suis Sony Sigeux, un technicien de laboratoire. J'ai trouvé un œuf que j'ai planqué dans un sac. Un œuf de quoi ? C'est parce que c'est bientôt Pâques, tu sais. C'est ça, un œuf tout vert, voilà. Et du coup, je l'ai mis dans une grosse caisse et je le porte en sac à dos comme un Uber. Et je me dis, et vu que j'ai des ambitions, je me dis que cet œuf pourrait être la clé pour accéder au labo de Wayland. Ah oui, c'est pas mal. Bonne idée. Et à côté de toi qui a pris très cher, hein, Dwayne. Je suis Dwayne Carter. Dwayne Carter, un ancien Marines devenu homme d'entretien. Et je me suis coltiné avec un alien là. Et depuis, je boite, je perds mon sang. Enfin, t'as failli être emporté en plus. Hein. Voilà, t'as été sauvé par l'endroit. Je reviens de loin, mais la bonté divine n'est pas bien loin, quoi. On s'était arrêté, vous aviez décidé d'aller au spatioport à bord d'un véhicule, un de vos tracteurs. Vous êtes descendu au hangar à véhicule et vous avez malheureusement réveillé peut-être le nid, hein, là où naissent les aliens. Aïe. En tout cas, il y a une douzaine d'aliens qui entourent tout le hangar au moment où vous allez entrer, vous entrez à l'intérieur de ce camion. C'est reparti, qu'est-ce que vous faites? Rappelons que vous traînez aussi l'officier McQuire avec vous. Je peux pas faire grand-chose à partir, enfin je suis prêt quoi, On accélère. Le véhicule n'est pas encore parti, vous êtes dans le hangar là. Mets la gomme Axel. Est-ce que la porte est ouverte? La porte est ouverte et justement il y a un alien qui s'apprête à rentrer à l'intérieur, qu'est-ce que vous faites? On est tous dedans. Vous êtes tous dedans mais... Bah, faut fermer la porte. Bah oui mais il y a un alien qui arrive, qu'est-ce que vous faites? On ferme la porte. Fermez la porte, moi j'accélère. Vous appuyez sur... Donc il y a un bouton à côté de la porte comme ça, mais il y a l'alien juste à côté. Qui va se dévouer pour... Ouais, j'y vais pas les gars, désolé. Ouais mais c'est moi si j'y vais. Ça va être un test de mobilité, voilà, pour voir si t'es rapide. Ok, j'ai 7 en mobilité. Bah, il est rapide. Et rappelons donc qu'un androïde en fait n'est jamais stressé, donc ne lance jamais de stress. Mais il ne peut jamais non plus forcer son jeu de dés. Ah, j'ai 3 succès. 3 succès. Ouais mon gars, là je l'appuie bien comme il faut ce bouton. Il était surtout très rapide et la trappe se referme rapidement. L'alien essaye de vraiment passer sa tête au dernier moment et ça se ferme juste à ce moment là. Il tape sur le... L'attraper, c'est la porte, c'est sur le côté du... Sur le côté du vaisseau qui vient de taper. En sortant j'essaye de raser le mur pour frôler pour l'alien. Pour l'écraser contre le mur. Ok bah fais-moi un test de pilotage. C'est beau ça José. C'est le pilote. Ouais mais je me pose la question, est-ce que c'est vraiment un bon plan parce que si c'est vous êtes à l'arrière du camion, mais là, trop tard, hein. Avant de parler, vous êtes à l'arrière du camion tous les trois avec l'officier. Dans le fond du camion, dans le noir, ça, vous entendez quelqu'un qui tousse. Aucun succès. Aucun succès. T'essayes de faire ta manœuvre pour écraser le mur mais tu... Ah mais je peux forcer. Vas-y. Je peux forcer, je rajoute un stress. Ça retousse dans le fond de la pièce, dans le fond du véhicule. Oui, bah on va aller voir, on laisse Axel. Il y a un succès, il y a un machin. Ça, c'est un test de panique. Ah, le pilote panique si on est mal. Tu lances un D6 et t'ajoutes ton score de panique. 1, plus 3, 4. T'es au volant, t'es pris de tremblement, ton véhicule, t'es bloqué en fait. Il faut que tu fasses une sorte de créneau pour ressortir de là. Tu vas réussir à sortir vraiment du hangar, c'est juste que ça te prend plus de temps que prévu. Voilà. Moi je dis, il y a quelqu'un dans le tracteur? Qui est là? Oui. Et un mec qui voit visiblement sort de long. Vous le connaissez tous, hein, vous êtes tous là-bas, c'est Wes. Oh, Wes, le pilier de comptoir du bar. Ah putain, Wes. Wes Osterman qui est toujours bourré à chaque fois que vous le croisez. Ce bon vieux Wes. Il a un pistolet dans la main aussi, une bouteille dans l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bouge? Bah Wes, faut qu'on se casse d'ici. Comment ça va toi? T'es blessé ou t'es comment? Moi ça va nickel. Il se met à boire comme c'est dit. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis planqué là, c'est un vrai bordel dedans. Bon, t'inquiète, on est sur le vous bossé. Êtes avec eux, vous êtes avec la Wayland, il commence à vous pointer du. Avec son. Mais non, Wes, je te jure que non, non, non, on est des survivants comme toi. Toi, il te connaît entre vieux, peut-être vous reconnaissez. Bien sûr. Dwayne, c'est toi? Bien sûr. Vas-y, approche. Alors je monte mes blessures, je dis j'ai pris oh, cher oui, mec. Pris, mec. J'ai pris cher. En attendant, j'ai de la marche arrière. Pip, pip, pip, pip. T'entends des, sur la carrosserie de ton truc, il y a des aliens qui sont en train de sauter sur le toit. Bon bah viens, Wes. J'entends les bruits, j'allume ma dernière clope et c'est reparti. Ah donc tu perds un point de stress en allumant ta clope, bien joué. Donc Wes il s'approche de toi, il dit vas-y, ouvre la bouche. Quoi? Ouvre la bouche, te dis. J'ouvre la bouche. Il te fourre son canon dans la gorge, comme ça. Il regarde, il te voit donc, le trou au milieu de ton ventre. Donc il retire le flingue. Oui. Sympa, c'est comme ça qu'on dit bonjour chez toi, Wes. Vous êtes désinfecté? Non, non, personne. Toi, il pointe Sony. Ah toi, non, t'as une tête d'infecté, toi. Non, ça va. Monte tes yeux. J'ouvre les yeux, j'écarquille les yeux, comme ça. J'ai rien. Okay. Et toi t'es un robot, t'es un putain de robot, toi. Et au volant, là. Non, t'es en train de sortir du hangar. Je suis en train de cloper. Vous savez reconnaître les gens qui sont infectés, Wes? Bien sûr, je sais reconnaître ça, moi. Bien sûr, j'ai l'œil. Et vous voyez qui ses yeux de louche, en même temps ils sont visqueux, vous voyez, plein d'alcool. Évidemment que je sais les reconnaître. Vous avez de la picole, Wes? Ouais, j'ai réussi à sauver une caisse. Bah, filmant, parce que là, moi, je suis au bout de ma vie, comme on dit, sur Terre. Toi, t'es au moment où vous sortez, donc tu vois enfin l'extérieur, tu sors du hangar par la passerelle. Il y a un des aliens qui est sur le toit qui se met au-dessus de toi, tu vois, t'es une sorte de grande baie vitrée pour ce cockpit. Tu vois, il y a au-dessus de toi, il se met à frapper. Les vitres sont très fortes, très blindées, mais elles vont pas tenir longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Je donne un bon coup de frein. Tu fais manœuvre de frein et pilotage, ouais. Juste pour le faire sauter si je réussis. Il y a deux succès et une panique. Donc tu refais un test de panique. Tiens, t'es 3. 2. T'as fumé, donc tu maîtrises tes nerfs, t'as bien fait de fumer juste avant. Tu fais ta manœuvre coup de frein, tu redémarres, j'imagine, et tu roules sur l'alien. Ouais. Ça va abîmer les pneus, sûrement. Hein. Bon, on a pas beaucoup à pas beaucoup. Et t'accélères en direction du spatioport, c'est ça? Exact. Ok. Tu vois dans ton rétroviseur qu'il y a les aliens, d'autres encore que t'as vu, qui sortent tous du bâtiment à l'extérieur. Les gars, regardez pas par le rétroviseur. Le paysage est pas beau. Est-ce que tu nous demandes, bordel? C'est du suicide? Ouais. Non, parce que la compagnie ne la tuera pas. Vous, ils vous tueront peut-être pour l'avoir vue, mais elle, ils la sauveront. Ça veut rien dire, ça! C'est de la pure connerie! Ils peuvent pas nous tuer, nous! La première fois qu'ils ont appris son existence, c'est cette chose qui a primé sur l'équipage. La fois suivante, ils ont envoyé les Marines, et ils y sont restés eux aussi. Vous pensez qu'ils se soucient de condamner à perpète qui ont trouvé la foi au fond du cul de l'espace? Ok, vous êtes avec Wes à l'arrière? Ça secoue un peu. Qu'est-ce qu'on fait? On se casse? On se casse de cette planète? Ouais, on va vers la navette, là. Vite. Vous m'emmenez? Bien sûr qu'on emmène Wes. On emmène tout le monde, le but c'est de sauver le plus de monde possible. Elle a quelle tête? Je la vois pas parce que je la regarde la route, mais... La patronne? Ouais, je vous demande, la patronne, ça va? Elle est pâle. Ouais, ça va. Vous êtes pas infecté, vous, patronne, par hasard? Infecté de quoi? Wes, fais-lui ton test, Wes, fais le test à la patronne. Il est un peu embarrassé vu qu'elle a plus de jambes. Elle est en train de crever à l'arrière de votre véhicule. Il fait le test vite fait, quoi. Ouais, il est mal à l'aise. Et patronne, je tente un truc. Hein. J'ai entendu parler de mitraillettes à l'extérieur, enfin je sais pas quoi, de canons à l'extérieur. On peut les utiliser ou pas? Ils sont. Non, c'était dans les couloirs. Les canons, ils sont dans les couloirs du sous-sol. Vous avez pas visité. Ah, d'accord, on n'en a pas assez. Et ça se contrôle avec une télécommande, mais. Bah oui. Qu'elle a pas. Non. Mais qu'on a pas. Je sais pas où aller. Là, on va arriver donc au spatioport. On a plein d'aliens aux fesses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut tout faire péter. Et comment on fait tout péter? J'en sais foutre rien. Avec une charge nucléaire. Elle sert à rien cette patronne. Est-ce que je peux faire, jouer. Je peux faire un test d'analyse sur la bosse? Un test d'analyse pour savoir. Ouais. Pour voir son état, ouais, qu'est-ce qu'elle. Enfin. Ok. Ouh, il y a du succès. J'ai deux succès. Ah ouais? Il a un succès fou. Okay. Hein, donc tu as une question à me poser, c'est ça, quand tu fais un test d'analyse? Est-elle infectée? Toi, tu peux vraiment le savoir. Je pose la question et du coup, maman me. Elle n'est pas infectée. D'accord, ok. Cool. Du coup, je réduis le niveau stress de toutes les personnes qui sont proches de moi. Ah ouais, sympa. Vous pouvez tous perdre un point de stress. Cool. Parfait ça. Elle tombe inconsciente. Bah, je sais pas si elle verra la terre, la patronne. Ouais, je suis Wes vote. Il dit ouais, moi aussi je suis d'accord. Vaut mieux qu'on la laisse là. Hein. Non mais. Prenez sa carte d'accès à tout et n'importe quoi parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Mais bien sûr. Vous récupérez sa carte dans ses poches. Et... Est-ce qu'il y a des codes à connaître, patronne? Elle codes... est inconsciente. Ne meurs pas. Ah, mais... ah, y a des... vous pouvez faire des tests de soins médicaux. Ah oui, des claques dans la gueule. Il y a soins médicaux. Hein. Ah oui, c'est vrai. Je suis nul en soins médicaux. Je suis à 6. Tu veux essayer de la soigner pour qu'elle se réveille un instant et vous donne une autre indication. 6 plus 2. Ou essayer de la presser comme un citron, la pauvre. J'ai une réussite sur un des jaunes. Ok, ça, c'est une réussite quand même. Ok, elle se réveille pour juste elle peut te répondre en deux mots. Qu'est-ce que vous lui posez comme question? Est-ce qu'il y a un code pour accéder au vaisseau? 93. 80. Elle tombe. Ah, bien joué. On a bien fait de poser cette question. Bah, on a trois chiffres déjà. Donc, spatioport, ça roule. C'est un peu caouteux, tu réussis à piloter, tu distances quand même, t'es beaucoup plus rapide en véhicule que les aliens. Mais il y en a plein et qui sortent derrière toi. Et tu vois aussi toutes les baies vitrées dont je vous avais parlé tout à l'heure dans les bureaux. Commencent à se casser et vous voyez des aliens sortir par les... Comme des insectes qui sortent par les murs, qui prennent de l'extérieur comme ça. Sony... Comme s'il n'y avait plus grand monde en vie. Sony, venez devant, regardez-moi tout ce bazar et dites-moi par où j'approche. Enfin, où est-ce que je vais à la bagnole? Est-ce que je peux faire un test d'analyse pour voir, pour voir ce qu'il y a autour? C'est observation. Observation, toujours. Peut-être West tend la bouteille. Je prends une lampée. Deux réussites. Ah ouais. Bien joué. Tu fais une analyse de la situation, mais c'est que... Ouais, alors, du coup... T'as une question spéciale, c'est ça? Qui est liée à l'observation? Bah oui, si... Ma question, c'était quel est le point le plus... Le meilleur itinéraire, safe, quoi. Meilleur itinéraire pour pas se faire choper par toutes les bêtes qui sont en train de sortir. D'accord. De... Attends, juste un truc. Sur ma fiche, j'ai des questions. Est-ce que c'est les seules questions que je peux poser ou je peux... Oui. Ah oui, parce que les questions, c'est est-ce un humain ou un extraterrestre? Oui, c'est de l'analyse médicale de laboratoire, c'est pas de l'analyse tactique d'une situation. Quelle est la meilleure route pour y aller? Ok, d'accord. Non, mais t'as fait deux, t'as quand même fait un test d'observation et ouais. T'as fait quand même deux succès. Par une des fenêtres, un des hublots, au niveau du quartier de logement, quand vous contournez la base, un quartier dans lequel vous n'êtes pas allé, tu vois une petite fille de 10 ans par la fenêtre, blonde, qui te regarde et qui fait des grands signes avec ses bras. Bah non, mais on est déjà parti. C'est... Elle est où? Elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur, dans les parties des logements dans la zone H, il me semble, que vous n'avez pas visité. Et est-ce que t'as une petite poupée dans la main? C'est ce que j'avais demandé. Bah t'es trop loin pour voir s'il y a une poupée dans la main. Attends, sur le plan, on est sur quel bloc? Alors, bah vous passez par le nord là, donc en fait... voilà le plan, le spatioport il est au nord là. Vous avez commencé à contourner, vous êtes sorti par ici, vous avez fait tout le tour par là. Par l'ouest. Et en passant par là, vous voyez les fenêtres qui se trouvent ici, enfin toute la façade, le bloc A. Tout l'ouest du bâtiment. Et dans le bloc A, voilà, au niveau 1, il y a des logements, vous le savez, parce que vous connaissez la base. Et c'est que là, il y a des hublots et vous voyez cette petite fille. Est-ce que vu qu'il n'y a que 150 ou 190 personnes, on sait qui c'est? Pas du tout. Non, parce qu'il y a plusieurs gamins. Les gamins, on va dire que vous ne les connaissez pas forcément. Si vous n'avez pas de raison de les fréquenter, en tout cas. Il y a 17 familles, très exactement. Ouais. D'accord. Vous connaissez surtout les adultes. Il y a peut-être 2-3 gamins. Dont Wes. Dont Wes, bien sûr. Le fameux Wes. Wes, vous êtes en train de picoler là, il te dit. J'ai mal au ventre depuis ce matin. Je crois que je vais arrêter de boire de la bière. Si on s'en sort, promis, je te fais une promesse, mon Dwayne. Si on s'en sort, j'arrête la bière. Moi j'arrête au moins un jour. Vous foncez donc sur le spatioport. C'est toi qui pilote, on va dire. C'est toi qui continue ta route. Les gars, si vous êtes d'accord, je pense que c'est parti pour quitter ce. Alors, cette ouais, base. Moi j'aimerais quand même beaucoup sauver cette petite fille. Mais je peux pas vous imposer ça. Moi je suis un robot donc moi ma vie ne compte pas. Donc je vous propose de. Vous allez au spatioport, vous allez dans la navette. Mais moi je reste dans le tracteur et après je vais chercher la petite fille. Et Axel, tu me laisses un quart d'heure et tu restes en vol stationnaire. Et pendant que je vais chercher la petite fille, et tu nous récupères sur le toit. Et après, on s'en va. 10 minutes, et pas une de plus. C'est dur en affaire, mais ok. Donc on fait ça, c'est ça le plan. Faut imaginer qu'il y a vraiment plein d'aliens, que ça commence à être une fin apocalyptique. T'arrives au niveau du tarmac, donc t'as une grande piste de, circulaire, pardon. Avec au milieu cette navette, donc les pieds de cette navette sont attachés par des énormes crochets. Et tout au bout du tarmac, donc c'est à une cinquantaine de mètres, t'as une console grande comme une armoire un peu. Et c'est là que tu dois insérer la carte pour libérer ces crochets. D'accord. Donc là, t'arrives avec le tracteur, t'es entre ces deux trucs-là. Ça va être chaud. Okay. Qu'est-ce que vous faites? Bah, il faut qu'on aille libérer les crochets. Donc on passe en premier directement. Ouais, tu vas vers l'armoire, ouais. Ok, bah on va à la tour directement, en premier. Ok, tu fonces, les aliens, vous êtes obligé de sortir du véhicule, les aliens vont sûrement vous attaquer. Sinon, ce que je peux faire, combien d'essence reste-t-il sur la... Suffisamment d'essence. Ok, je vous propose de vous jarter du tracteur en mi-mouvement et que je fasse quelques tours du tarmac. Ah, pour écraser de l'alien. En klaxonnant. Pour attirer les aliens. Pour attirer les aliens. Putain, bien joué. Ok. Question, combien de temps s'est écoulé depuis qu'on a quitté la base? Ah bah ça fait 5 minutes quoi. Ouais, ça fait 100 mètres ce qu'on a fait. Ça va pas, ouais. Tout ça se passe très vite, ouais, effectivement. Okay, d'accord. Vous suivez le plan de votre ami Axel? Ouais, par contre, oui. Vous prenez Wes avec vous. Hein. Donc on descend tous, on se retrouve tous à poil là au milieu de la piste. C'est ça le. Bah il y a le vaisseau aussi, hein. il y a le vaisseau qui est dans un coin que vous pouvez ouvrir a priori. Enfin, vous avez un code qui peut servir à ouvrir le vaisseau. Enfin, moi, je veux bien me charger de rester de tout seul. Allez, tu me déposes que moi, si tu veux. Ok, je te donne la... Ouais, tu me donnes la carte. Je te donne la carte et je te dépose. Ouais, est-ce que ça vaut le coup que vous bah non, mais descendiez du tracteur aussi, vous? Je pense pas. Non. Moi, je serais bienvenu, mais... Non, mais en plus... Prenez une décision rapidement. Oui, bah, il y a que moi qui descends. Pour déclencher le... c'est possible. Désengager. Il prend Wes. Bah viens, Wes, viens avec moi, on a besoin de... Ah non, moi je descends pas. Tu peux faire un jet de commandement, évidemment, si tu tentais de lui donner un ordre. Non, moi je lui impose rien. Wes, descends. On fait un jet de commandement. Voir si t'as de l'autorité sur un alcoolique. Deux succès. Ah ouais. Ouais, bien joué. Je sors ma clope et je la... Ok, bah... Ok, bah j'aurais fait quelque chose alors pour cette foutue planète. Il est avec son flingue et il se met à tituber et est prêt à sortir lui aussi. Il te regarde, Dwayne, il fait « Toi t'es un bon gars Dwayne, t'iras loin je pense. » Un sprint. Pas très vite, mais t'iras loin. Tu t'arrêtes, t'ouvres la porte, ouais, il nous vous descendez. Ouais, c'est toi, Olivier. Ouais, ouais. Tu redémarres du coup? Ouais, je redémarre. Et donc nous, on insère la carte, moi j'insère la carte et je... Alors déjà, pour il y a toute une vitre, pour ouvrir la carte, il faut taper un premier code. Ah, ben je tape 93-80. Ouais, voilà, ça marche pas. Ah, 93-81. En fait, tu vas tester tous les chiffres, parce qu'elle a pas les derniers chiffres, donc ça va te prendre un peu de temps. Chez les 10, ouais, ok. Du coup... Mais il tapait très vite, parce que c'est un endroit... C'est vrai que... Ah bah fais-moi un jet comme tech alors. Effectivement, tu tapes très très vite. Merci de me le rappeler. Ouais. Comme il pense. Toi, tu démarres et tu veux tenter de klaxonner pour attirer tous les plus d'aliens possible. Pour pas qu'ils sautent sur eux pendant qu'ils sont à l'extérieur. Fais-moi un jet de pilotage. J'ai aucun succès avec mon jet de Comtech. Ok, donc tu prends un temps bizarrement normal, puis t'es blessé, peut-être que tu vas moins vite. Peut-être. Mais tu réussiras tout de même à déverrouiller le truc. Deux succès de pilotage. Ok, tu attires tout un groupe avec tes coups de klaxon. Le tracteur va être rapidement submergé par les aliens. Mais avec deux succès, tu donnes suffisamment de temps à Olivier pour taper tous les codes. Et vous voyez au loin les crochets donc, qui rentrent dans la piste, qui se décrochent et qui libèrent le vaisseau. Moi, je me mets à courir vers le vaisseau. Attends. Non, je cours pas vers le vaisseau. Non, je cours vers le bâtiment A. Il y a Wes qui est avec toi, Dwayne. Bah, je lui dis, Wes, fais ce que tu veux, moi je vais sauver une petite fille. Il bouge pas, il titube sur le tarmac. Viens m'aider si tu veux. Il pose une galette. Ou t'es pas obligé. Et je me casse sur le tarmac. Je me casse encore. J'arrive. Meilleur personnage de toute la saga, Alien. Wes. Wes. Donc vous faites quoi à l'intérieur? Vous laissez transbahuter Moi si j'ai bien compris. Vous voyez par les bivitriques qu'il y a plein d'aliens qui entourent le tracteur. Ils sont accrochés sur le tracteur ou ils commencent à s'accrocher, il y en a beaucoup plus que 10 maintenant cette fois peut-être. Je vise pas sur le shuttle mais à côté, de manière à ce que l'idée c'est d'ouvrir la porte et qu'on saute pendant que le truc continue à rouler. Le truc continue. Et pour ce faire, okay, c'est pas mal, je vais prendre la patronne. Je vais l'asseoir sur le siège du pilote avec la tête sur le klaxon. Et voilà. Et du coup, je prépare tout ce truc et je dis les gars, c'est maintenant ou jamais, il va falloir sauter d'un truc en mouvement et vite monter sur un shuttle. Bah, du coup, moi je prends mon sac à dos. D'abord, tu fais moi un petit geste de pilotage, on va dire, pour ce stratagème. Et après, vous devez, tous ceux qui sautent, vous faites un jet de mobilité pour savoir si vous sautez correctement sans vous vautrer. Pilotage. Vous lancez le stress en même temps. C'est raté. Aucun succès. Tu veux forcer? Je veux forcer. Tu prends un autre point de stress. C'est raté. Je peux forcer deux fois parce que je suis téméraire. C'est un test d'agilité ? Ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais. Putain, je rajoute un point de stress. Ça réussit, il y a un succès. Un succès. Ok, la manœuvre fonctionne, vous trouvez ça horrible, mais vous laissez faire sûrement qu'il utilise une pauvre victime, oui. Je l'aime pas, de toute façon, donc... Oui, moi non plus. Ok, vous aimez pas la chef. Le peu qui reste de ma clope, je lui mets sur le bec de la patronne. Je lui dis, t'es peut-être pas consciente, mais c'est mérité. Oh la vache. Non mais autant je trouvais ça brillant, là tu me fais flipper. Vous sautez du truc en marche, du coup. Vous faites un jet de mobilité, vous l'avez fait? Non, on l'a pas fait encore. Et moi aussi, du coup. Et du coup, toi aussi, pour sauter, ouais. C'est raté, tu peux forcer. En même temps, avec mes guibolles, je peux pas faire grand chose, hein, je rappelle. Donc, qu'est-ce qui se passe, maman? Tu peux relancer. Là, oui, je le force. Je crois que t'as pas noté toutes les points de stress. Ah bah attends. Si, ça triche. J'ai vu que ça trichait. Mais il a fait un peu de méditation entre deux, ouais, entre deux attaques. Vous faites beaucoup de bons jets sur cette partie, c'est assez inquiétant. C'est raté. Non, il y a un succès. Il y a un succès. Ça arrivera à atterrir sur une de tes jambes, quand même. Ouais, pas mal. Et toi, Sony? Du coup, moi, je prends mon sac à dos et je me jette. Je fais deux réussites. Ah, j'ai pas vu. J'ai un face gear. Tu fais un test de panique. Donc, tu lances un D6 plus ton score de stress. Je sais pas, t'as combien en stress? 3 2. Donc, lance un D6 plus 2. 4. Bah non, tu tiens le choc. T'atterris sur tes pattes un peu tremblant. Et ok, la situation t'a donné du bon stress, quoi. Et le pilote maintenant? Ah oui, t'as pas lancé non plus. Avec tes 14 stress. Ah, le double 6. Il y a 3 succès et 2 paniques. Bah, tu refais un test de panique. Donc encore des 6 plus ton score de stress. Oh la vache, 8. Tu commences à être pris d'une crise de tremblement. Au moment du saut, tu vas trembler jusqu'à la fin du scénario. T'es une sorte de... T'as Parkinson jusqu'à la fin du scénario. Ça te donne moins 2 à tous tes jets d'agilité. J'aurais pas dû filer ma clope. Ouais, peut-être t'as filé. Tu sais que t'as plus de cigarettes en fait. Et que ça te met des tremblements. De mobilité. Constants. Mais tu réussis à sauter. Donc vous courez vers la navette. Toi, tu. Olivier, moi, Tu veux retourner à l'intérieur du bâtiment à pied. Je suis déjà arrivé là. Hein. Je suis en train de monter dans le bâtiment là. Ok, tu montes dans les bâtiments. Et tous les aliens sont dehors à la poursuite du tracteur. Un test de mobilité. Donc, je suis serein. Ouais, t'es hyper serein. Tu regardes dehors, il y a un tracteur qui passe. Mobilité. J'ai 7 en mobilité. Tu montes dans le bloc A où il y a. Ah, oh la vache. Deux réussites, 3 succès. Ah, 3 succès. J'ai pas joué. J'ai joué ça. T'es hyper rapide, hyper furtif en même temps. Effectivement, tous les aliens sûrement sont sortis à la poursuite de votre véhicule. T'arrives dans une des pièces et t'entends tu vois même au bout d'un des couloirs métalliques cette petite fille là. Viens, je suis là. J'arrive, je la prends. Tu t'approches d'elle et tu vois que c'est le logement sûrement là où elle vivait avec ses parents. Tu vois derrière justement le corps de ses parents sans vie. C'est moche, regarde pas petite. Et juste à ses pieds, tu vois un facehugger retourné, tu sais. Mort aussi. La créature que vous avez croisée au début, enfin même plusieurs fois. Ah, merci monsieur. Vous allez bien? Vous avez un trou dans le ventre? Bah, tant pis, je la prends dans mes bras et je l'emmène avec moi et on monte sur le toit. Ok. Et on va la congeler. Je suis pas inquiet, je suis sûr. Ok. Elle s'appelle Nathalie. Nathalie? Ah oui, c'est. C'était un peu vieux jeu tes parents, ouais. C'est des temps américains, ça sert à rien. Allez gogo, suis-moi, hop, on monte sur le toit, il y a la navette qui va venir nous récupérer sur le toit. Go go go go. Ne la touche pas, sale pute. Avant de prendre une décision, fais un test d'observation. Ok, observation, j'ai un succès. Tu vois que par les portes extérieures et les fenêtres extérieures, il y a des aliens qui sont en train de grimper vers le toit. Le toit. Le toit sur lequel ils sont tous les. Enfin, il est avec la petite fille. Toi, tu fouilles encore le vaisseau, c'est ça que tu veux? Oui, pour savoir si je peux stocker l'œuf ou. Enfin, parce qu'a priori, ils avaient de quoi stocker les œufs dedans, en fait. Ils avaient effectivement une sorte de grand truc de congélation, mais qui a l'air brisé. Là. C'est pour ça que. C'était derrière une vitre. Mais en fouillant, tu te rends compte qu'il y avait un œuf qui n'avait pas été rangé dans les caissons. Et qui est ouvert. Oh oh. T'entends à côté de toi? Ah, il y a un petit bruit sur le plancher du vaisseau. Il y a un facehugger qui arrive vers toi. Tu dois prendre une décision tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, j'essaie d'esquiver, de courir, d'esquiver, mobilité. Alors, test de mobilité. Je stresse, je sais plus où c'est. Plus ton stress, c'est agilité plus mobilité. Sinon, on fait analyse. Je peux analyser la situation aussi, effectivement. Pendant qu'il est en train de faire ça, je lance les procédures de décollage. Ok. Ok, le vaisseau commence à quitter un tout petit peu la terre ferme de quelques centimètres, tu sens que ça... Il y a un klaxon. Est-ce que le vaisseau spatial a un klaxon? Je sais pas. Et là, c'est un super final de film, parce qu'on est en montage parallèle et tout, il se passe des trucs à j'ai chaque rien. Endroit. J'ai T'as zéro? J'ai zéro. Ah. Le facehugger arrive sur toi, sa queue s'enroule autour de ta gorge. Tu sens tout de suite une compression au niveau de la gorge, ça. Et ses petites pattes se collent autour de ton visage, c'est en train de t'arracher le visage, tu vois. Tu imagines cette bouche, c'est dégueulasse. Il y a une petite langue qui sort vers toi. Fais un test de combat rapproché si tu veux lutter. Ou tu essaies de bouger la tête comme tu peux, mais t'as un malus de moins 3. Attends. T'as moins 3D. Alors, combat rapproché. Oh putain, je suis à 2. Moins 3. Non, oui, j'ai juste 2D. En fait, combat rapproché, 0, force, 2. Ah oui, donc moins 3. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses 2 succès, en fait. Quand tu arrives à un score de D négatif, ça augmente je de... Je stresse. Non, mais succès. Là, j'ai... Attends, Eh oui, il faut que tu lances ton stress, bien sûr. Donc j'ai 2D stress, alors. Ouais. Bah là, tu peux même t'en rajouter un, parce que ça fait monter le stress. Putain, je sais plus où j'habite. J'ai un 6. Oh, oui, mais avec un seul. J'ai un 6. On va respecter un 6. Pendant ce temps-là, j'ai décollé et je ne m'approche absolument pas de Wes et de Dwayne. Pourtant, ils sont en train de chanter. Il est en position thermique, il est en train de rouler. Je monte en hauteur et j'essaye de viser la toiture. De viser ? Je me dirige vers la toiture de la base où se trouve notre cher Carglass. Olivier de Carglass. Très bien. Sur le tarmac, Dwayne, t'es avec Wes. Ouais. Vous venez de finir la bouteille de. Justement, de j'allais te dire, on boit une dernière gorgée, puis on vide nos chargeurs. Sur tout ce qu'il y a. Il y a plein d'aliens qui vous entourent. Vous videz les chargeurs sur une musique épique, bien sûr. Bien sûr. On la connaît tous. Et c'est là qu'il se tourne vers toi, Wes, et il dit merci d'être resté, Dwayne. Merci. Parce que moi j'ai été contaminé, regarde. Il remonte son ventre et il y a un petit bébé alien qui sort de sa poitrine comme ça. Et vous vous faites envahir par les aliens et dévorer, déchiqueter au milieu de ce tarmac. D'accord, et je voudrais juste dire... Dernière image que tu vois, c'est le vaisseau en train de s'en aller. Je voudrais juste dire que je me mets les bras en croix juste avant que ça arrive. Pour faire religieux. Par rapport à mon personnage, vous croyez que je me suis sacrifié pour rien? C'est beau, tu verras sûrement au paradis. Quoi. Bah certainement. Bien sûr. Ça valait bien le coup que je me décarcasse à te sauver, Dwayne, pour que tu te sacrifies comme ça. Je suis un peu dégoûté. Mais bon, je vais essayer de. Sur le toit, il y a des aliens, j'ai dit, qui est monté. Donc, tu vois autour de toi, sur le toit, Olivier, il y a 3 aliens qui viennent de grimper sur le bord du toit. T'as aussi le vaisseau qui s'approche de toi. Ah, bah, je leur tire dessus, moi. Je tire dans tous les sens sur tous les aliens. Ok, bah, fais un test de tir à distance, on va dire. Je fais aucun succès. Bah, les aliens t'attaquent. Toi, tu. Avec ton vaisseau, tu. Ils vont le temps de faire une attaque avant que tu arrives avec ton vaisseau. Tu tires comme tu peux, ça ne les arrête n'importe pas. Comment, ouais. Ça ne les arrête pas, ils sont juste au niveau de toi, à ton niveau. Il y en a qui t'attrape par l'épaule, qui est en train de t'arracher l'épaule avec sa main griffue. Et il commence à pointer sa mâchoire dans ta direction. Il lance des dés. Il est prêt à te. Il lance les dés, l'alien. Fais un test de combat rapproché. Mais sans déconner! Moi je fais zéro succès. Ok, tu te fais dévorer par l'alien. Il y a quand même un jet d'une table spéciale pour. Alors attends, parce que tu sais, j'ai mon truc de. Je suis coriace moi. Hein. Non, il se fait pas dévorer, je veux dire. Il se fait déchiqueter. Il y a une table. Je prends des dégâts ou pas? Comment ça se passe? Tu sais, si je prends des dégâts, j'ai mon coriace. Hein. Oui, mais là tu prends 6 points de dégâts. Ah! Bah je fais quand même mon test. Mon test de force. Et je fais 3 succès, donc je prends. T'en prends 3. Ah bah j'avais plus que 2 points de vie. Ok, donc t'es brisé, donc c'est comme tu meurs pas tout de suite, mais tu vas aussi lancer un dé, c'est un dé différent que les humains. Je lance un dé trépas sur une table spécifique. Tu lances un dé 6 en fait, tout simplement, et je vais te dire le résultat. Et je fais 2. Au niveau de ton visage, il y a sa mâchoire qui sort et sa deuxième mâchoire qui sort qui te font un trou dans le crâne. Aïe. Qui touche ton cerveau direct. Ça pique. Tu ne meurs pas, tu vois, t'es. Je suis en erreur système. Tout ce qui contrôle ce qui est en dessous de la taille ne fonctionne plus. Tu ne peux plus marcher. Je peux plus marcher. Et t'as sa tête, tu vois, sa mâchoire qui ressort de ton crâne. Et tu t'écroules par terre. Visiblement, il aime pas le sang des androïdes. Donc il va te laisser tranquille. Est-ce que je peux lancer Nathalie vers le vaisseau? Ce sera peut-être ta dernière action. Qui est tout près maintenant, qui est là, qui est au-dessus de nous. Sony, okay. Prépare-toi à réceptionner Sony... un colis. Non, mais Sony est en train de crever. Non, je suis occupé, moi, sais pas encore. Moi, je sais pas. Donc. Fais-moi un test de force pure, voir si tu tiens encore un tour ou pas. Une réussite. Ah. Sur le déstress. Ok, bah tu sens la petite langue du facehugger dans ta bouche. Il essaye de s'infiltrer au fond de ta gorge. C'est en train de t'arracher le visage, tu perds 2 points, tu prends 2. Ah bah. Attends, mais j'ai ma combi aussi, hein. C'est vrai que t'as une combi spéciale. J'ai une combi qui est. Et ça fait cagoule aussi, du coup. Bah, c'est. Non, ce qui se passe, c'est que tu prends 2 points de dégâts quand même, ça ne protège pas le visage, malheureusement. Tu es brisé, donc tu vas en gros tomber dans les pommes. Bah, vas-y, lance-moi 2 D6. D66, donc un des noirs pour les dizaines et un des jaunes pour les unités. Oh, double 6. Double 6 ? Qu'est-ce qui se passe, double 6 ? Ah, bien joué. Le facehugger tombe amoureux de toi. Donc tout va bien. C'est encore pire que mourir contaminé, ou peut-être c'est ton corps qui, par réflexe, s'est déclenché, mais tu fais un arrêt cardiaque et tu meurs d'un arrêt cardiaque juste avant d'être contaminé. C'est nul. C'est les résultats du dé, le cœur. Ah, vraiment ? Ouais. Je meurs d'une crise cardiaque avant que... D'accord. Ouais, peut-être ton corps, c'est... Bah, tu seras jamais un hôte, finalement, parce que voilà. tu seras encore mort. Juste avant. Ah donc le parasite le facehugger te pas... parasite quand même, mais du coup comme t'es un corps mort et il n'y aura pas de naissance. C'est ça qui se passe à l'arrière de ton vaisseau que je ne vois pas, mais ouais, que j'écoute. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu viens, t'es en train de voir que l'androïde se sacrifie pour sauver la petite. Je m'écarte, je laisse la petite. Je vois que tout est en train de tomber dans la merde. Je m'écarte. Le vaisseau flotte et okay. Et tu vois, je constate que il y a mon aussi, collègue qui a fait ouais. un arrêt cardiaque. Tu vois l'androïde qui porte la petite fille et les aliens qui sont les entourés, ils vont sûrement se faire tuer. Et tu te casses. Et je me casse. Bah, je vous félicite pas, Axel. Hein. C'est pas beau. Votre ancêtre ne serait pas très fier de vous. Le vaisseau décolle. Et effectivement, il y a des sas pour la cryogénisation. Tu pointes une direction comme ça, tu pars avec les œufs. Mais en fait, t'es tout seul dans le vaisseau. En fait. Tout seul, ouais. Je suis tout seul dans le vaisseau. T'as pris le temps de jeter le corps de. Oui, avant. Attends. Mais du coup, le facehugger est toujours. Il y a un facehugger dans le vaisseau alors. Et il est accroché à ta tête. Bah non, mais je suis mort, vu que je suis mort. Ah, peut-être qu'il va se décrocher. Je sais pas, la question c'est que devient le facehugger. Bah, c'est pour ça que je te demande si tu te débarrasses du corps. Je me débarrasse de tout ce que. Enfin, j'ai jamais aimé le fait d'avoir un œuf dans c'est vrai. Tu jettes les œufs aussi. Donc, je jette les œufs, je jette le corps, et j'y vais. Tu jettes tout. Ah, oui, d'accord, je récupère pas les œufs. Je purge tout ce qu'il y a sur ce shuttle. Et on repart de zéro ailleurs. Tu décolles, tu laisses LV-426 derrière toi. Voici le dernier rapport de Hadley's Hope. Axel au rapport. La colonie a été envahie par des monstres. Des 158 habitants, seul moi est réchappé. Quant aux autres, eh bien, je tremble rien qu'à l'idée de ce qui a pu leur arriver. Je ne peux qu'espérer qu'ils sont morts rapidement, mais j'en doute. Si vous recevez ce message, ne lancez pas d'expédition de sauvetage. Restez à l'écart et informez les marines coloniaux dès que vous le pourrez. Il n'y a qu'eux qui puissent s'occuper de ces créatures. Ici Axel Diff. Terminé. On finit là-dessus, donc bravo Axel, tu t'en sors. Bravo. Comme un champion. Comme un traître. Je peux lire mon objectif personnel. Oui, effectivement, vous avez des objectifs personnels. Merci, si vous avez réussi. Vous êtes un agent dormant de Weyland Yutani. Oh, vous savez que le mécano est un androïde qui bosse pour la compagnie également, mais il a un comportement étrange. Vous attendez les ordres de l'agent de la compagnie qui vient d'arriver, Miranda Reynolds, mais si la situation tourne mal, votre vie est plus importante, tant pis pour Weyland. Donc, t'as complètement rempli ta mission, bravo. Tout à fait, bravo. Et la personne que je détestais, c'était l'ex-militaire. D'accord. Je t'ai abandonné en premier. Et je ne suis pas parti à ta rescousse pour une raison. J'ai remarqué claire. Aussi. Bien joué, bien joué, bien joué. Et les autres, vous aviez des objectifs aussi. Tout à fait. C'est une épreuve de Dieu. C'est une épreuve de Dieu. C'est une épreuve que Dieu m'envoie. J'en suis persuadé. Et je vais la relever comme si je devais. Même si je devais y laisser ma vie. Dieu reconnaîtra les siens. Donc je pense que j'ai bien fait de me te sacrifier, ouais, me sacrifier pour le bien commun. Ok, ok. Pour moi, le scientifique, ces membres de l'équipe d'inspection de Weyland Yutani feront moins les malins quand vous aurez coiffé au poteau et que vous aurez récupéré un alien pour la compagnie. Il vous suffit de mettre la main sur un spécimen vivant et de filer de L426. Rira bien qui rira le dernier. Et moi, donc, le mécano androïde, je devais faire tout mon possible pour sauver mes camarades, y compris me sacrifier si nécessaire. Tu ressens un sentiment d'attachement pour les humains, finalement. J'ai tout donné pour sauver les humains. C'est vrai, humains. Bravo, bah, vous avez tous rempli vos objectifs, finalement. Carrément, on peut le dire. Ah non, j'ai pas réussi à sauver. J'ai ni sauvé mon pote Marine. Ouais, ni, mais t'as tout fait pour. À chaque fois, tu lui lançais la gueule du loup et tout. Ouais, pour mais j'ai pas réussi. Je sais pas si ça cartonnerait au cinéma, mais en tout cas, c'était une belle partie. Ouais. Ouais. C'était bien, c'était magnifique. Ouais. Bravo, bravo, maître du jeu. Ok, bravo, maman. Merci à vous, c'était cool. Merci de nous avoir écoutés, du coup on va s'arrêter là. Vous pouvez nous retrouver sur les internets, mettez-nous des commentaires, des likes et des pouces sur les réseaux sociaux. On fait partie du label aussi Bonus Tracks, merci. Et on se revoit très vite pour des nouvelles parties de JDR Academy, merci beaucoup. De nouvelles aventures. On fait Alien versus Predator. Predator, oui. Ça pourrait être rigolo. Hein. Et tu pourrais reprendre ton perso, Alex, éventuellement. Axel. Ah bah. Ouais, et peut-être que... Il découvrira l'œuvre de ses ancêtres. Malheureusement. Merci à tous, salut, merci à vous. Salut, salut. On finit en musique ? Bien sûr. Ouais. I'm a Barbie girl. Ou avec Wes, je sais pas, mais on finit en un musique. Un des deux, quoi. Allez, d'accord. On verra au montage. Ciao. Salut. Alors, est-ce que Wes, il chante ? Non. Oh la vache, non. Je crois qu'on a déjà eu ce... Oh là là. Il a aucun respect. On y a tous pensé depuis une heure en plus, tu vois, c'est ça qui est chiant. Pas du tout, moi j'y ai pas du tout. Ah, mais c'est pas du tout, bah, moi non plus. D'accord, bon bah. Moi je pense qu'il est en train de chanter. Vous êtes vraiment trop cultivés.